Sedex, aventure, rencontre, conversation. La semaine dernière, Aël nous a raconté le parcours des femmes prostituées chinoises et cette semaine elle nous parlera de son quotidien au sein de ce programme de Médecins du Monde, le Lotus Bus, quand elle était bénévole puis salariée. Enfin, elle parlera de l'impact de la loi récente qui pénalise les clients des prostituées et qui a, comme vous l'entendrez, des conséquences très concrètes sur le quotidien de ces femmes. Partie 2 des aventures bellevilloises d'Aël. Je pense qu'en étant bénévole, il y a aussi ce côté peut-être un petit peu routinier, que du fait d'être dans l'urgence constamment. Parce que sur le bus, bah, c'est des besoins très urgents, en fait. Leur distribuer des préservatifs, bien contrôler qu'elles savent mettre une capote, bien contrôler qu'elles savent quoi faire quand une capote se casse. Après, c'est des problèmes parfois très concrets, des problèmes gynécologiques dus à la profession. Donc, c'est voilà, essayer de, au maximum, orienter les femmes vers des structures qui soient capables de répondre à leurs besoins, sachant que le Lotus, c'est uniquement de l'accompagnement sanitaire à la base. Donc voilà, mais je pense que très vite en tant que bénévole, on peut se dire bon bah j'ai fait un peu ma BA, j'ai accompagné ces femmes pendant 2 heures, j'ai écouté leurs problèmes et voilà c'est fait. Et en même temps, on n'a pas forcément les clés aussi pour répondre à tous leurs problèmes. On peut se retrouver complètement démuni en fait d'une femme qui nous raconte ses problèmes de violence et bah, ne pas savoir quoi faire à part lui dire bah la police est là. Sauf que pour elle, la police ça veut dire bah la police de rue qui les harcèle. Surtout quand le délit de racolage était encore actif, bah c'est des policiers de rue qui leur demandent constamment leurs papiers, qui les arrêtent constamment parce qu'elles sont en train de racoler des clients. Donc voilà, pour elles, la police n'est pas un organe protecteur. Donc en tant que bénévole, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est va porter plainte auprès de policiers qu'elles ne considèrent pas comme des personnes qui peuvent protéger leurs droits, quoi. Un petit peu mon avis sur la réception des personnes dans les postes de police, mais un petit peu peut-être des préjugés qui se sont malheureusement souvent confirmés dans les accompagnements à la police. Alors pour donner un exemple, j'avais accompagné des femmes dans un commissariat à la Goutte d'Or. Et quand elles sont arrivées au poste de police, la personne qui les accueillait, donc qui était juste la personne à l'accueil et pas la personne qui prenait la plainte, les a mises en garde en leur disant bah, « Attention, vous n'avez pas de papier, en fait, donc si vous portez plainte ici, vous êtes aussi susceptible d'être envoyé à la frontière. » Alors, en tant que bénévole, c'est aussi parfois des libertés qu'on prend. On est interprète, mais pas que. Ça veut dire que, par exemple, typiquement, ça, je ne l'ai pas traduit, parce que pour mettre en confiance des femmes, alors que déjà, pour... les convaincre que porter plainte dans une situation qui pour elles était une situation de viol, c'était pas facile. Donc voilà, et clairement, alors dans les postes de police, il y a aussi beaucoup de problèmes d'interprétariat. C'est que nous, en tant que bénévoles, on peut faire l'interprétariat, mais on n'est pas agréé. Et ils ont la possibilité de faire appel à leurs propres interprètes agréés, ce qu'ils font rarement, parce que appeler un service d'interprétariat, c'est des sous. Alors, pour plein de raisons, c'est des sous, soit qu'ils n'ont pas, soit qu'ils ne veulent pas débloquer, soit qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, donc du coup, ils ne font pas appel à des services d'interprètes. Ou alors, quand il y a des interprètes, et ça s'est beaucoup vu dans les tribunaux, en accompagnant des femmes aussi au tribunal pour les audiences, donc là, pour le coup, c'est uniquement des accompagnements et pas de l'interprétariat, mettre les femmes en confiance, pouvoir faire la traduction avec l'avocat juste avant l'audience, pour les rassurer, pour leur expliquer comment ça va se passer. Et donc d'assister à des procès, il y a eu le cas une fois d'une femme qui est sortie du procès parce que l'interprète traduisait viol par faire l'amour, ce qui pour la femme a été très, enfin pour la femme qui était dans le procès a été hyper violent, de non reconnaissance de l'acte et de la faute commise. Donc il peut y avoir des problèmes disons, de rencontres avec les institutions pour ces femmes dans les commissariats, dans les tribunaux, également dans les hôpitaux. Ou rapidement, quand une femme est agressée, enfin n'importe qui est agressé, il passe par les UMJ, qui sont les unités médico-judiciaires, où il y a une sorte de constat médical de l'agression. Là, la personne que j'accompagnais avait mis beaucoup de temps à porter plainte, ce qui est souvent le cas des femmes, où elles réfléchissent, où elles en parlent à des copines, elles en parlent au Lotus Bus ou à d'autres personnes, avant de prendre la décision d'aller porter plainte. Donc ça, c'est son dépôt de plainte a eu lieu des semaines après l'agression. Et quand elle est arrivée, donc là, en l'occurrence avec moi, pour traduire aux UMJ, le médecin était un peu déçu du coup d'avoir un constat assez bateau à faire, parce que finalement, bah, il ne pouvait pas constater grand-chose du fait du temps qui s'était écoulé. Et quand elle lui raconte l'agression, c'est-à-dire un client qui est venu sans payer, et donc après l'acte sexuel, l'a tapé, a repris ses affaires et est parti, elle raconte ça au médecin, et le médecin lui fait « Oui, bon, c'est pas un viol en fait, c'est les risques du métier ». Là, en l'occurrence, c'est également, et bon, c'est pas, voilà, c'est discutable, mais c'est quelque chose que j'ai choisi de pas traduire auprès de la femme pour éviter de rajouter un trauma. Mais c'est des choses, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les personnes qui accompagnent, qui peuvent être assez violentes, en fait, de se rendre compte à quel point toutes les institutions ne reconnaissent pas le viol, et du fait d'être prostituées, c'est un peu de leur faute si elles se prostituent finalement. Et c'est un peu de leur faute, du coup, si elles se font taper. Une non-reconnaissance absolue des violences qu'elles peuvent subir, quoi. Social, on gère des dossiers quotidiennement de personnes qui ont alors des problèmes de santé liés ou non à la profession, hein, mais bon, souvent liés à la profession, et surtout, et au Lotus Bus de plus en plus, et moi quand j'y étais en 2016, on avait énormément de suivi de dossiers de femmes victimes de violences. Souvent des violences quand elles portent plainte de clients ou de séquestration, de viol, etc. Et donc, bah, c'est accompagner ces femmes dans... donc, on n'est pas tout seul, hein. Il y a les avocats qui soutiennent qui travaillent avec le Lotus Bus. Il y a d'autres structures aussi qui suivent les dossiers de ces femmes. Mais c'est quand même, du coup, répondre à des attentes très quotidiennes, des urgences pour ces femmes qui ne comprennent pas que le temps judiciaire en France soit si long, etc. Et donc, du coup, bah, à partir du moment où on a clos un dossier, en tant que travailleur social, on est hyper content parce que le dossier est clos. Par exemple, la femme a eu des dommages et intérêts, ou elle a eu des papiers. Voilà, c'est des femmes qu'on suit depuis très longtemps, qu'on soit bénévole ou la travailleur sociale de plus près. Et le dossier est clos, bah, le lendemain, ou parallèlement, il y a un autre dossier qui arrive, et c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, il y a une espèce d'accumulation de témoignages de ces femmes-là, qui fait que effectivement au bout d'un moment, c'est pas qu'on baisse les bras, mais c'est qu'on se sent un petit peu impuissant sur le côté quotidien de petites réalisations où on est content parce qu'on sent de manière très égoïste aussi en tant que travailleur social que notre travail sert pas à rien, et en même temps le lendemain il y a la même chose qui vient. Thank you. Ça, c'est très intrinsèque au boulot de travailleur social aussi, où on ne fait pas de plaidoyer. Donc, du coup, on est aussi sur le travail très quotidien. On fait remonter les témoignages, ça, on peut le faire, mais on ne voit pas, en fait, sur la durée, de réel changement de la situation. Quand on travaille avec les politiques locales, en fait, je pense qu'on a peut-être plutôt la sensation qu'on aide à faire bouger les choses. Après, en termes de prostitution, clairement, les choses, elles ont bougé... mais dans le négatif, enfin, c'est vrai que le tableau du coup il est un petit peu noir parce que finalement il n'y a pas trop d'éléments positifs à apporter. C'est que justement nous on a fait beaucoup de... Enfin, moi dans mon travail j'ai fait remonter beaucoup de témoignages quand la loi de pénalisation des clients était en cours, enfin était en discussion, sur voilà, de poser la question aux femmes que je pouvais recevoir au bureau, est-ce que vous pensez que pénaliser le client et ne plus pénaliser le racolage c'est une bonne idée pour vous? Unanimement elles disaient non. Parce qu'elle savait que bah, pénaliser le client, ça voulait dire rendre encore plus précaire leur activité, devoir se cacher, avoir que les mauvais clients qui restent, ne plus avoir les habitués qui ont peur de la loi. Donc elle savait que pour elle, ça allait être plus compliqué. Donc voilà, nous le travail c'était de faire remonter les témoignages, donner de la place à ces femmes-là. Et bah, la loi est passée, et concrètement ça rend leurs conditions de travail... largement plus précaires, donc les violences sont accrues. Donc nous, ce qu'on entend maintenant, je suis de retour à la position de bénévole, et ce que j'entends sur le bus ou en accompagnement, bah, c'est une précarisation de leur activité terrible. Donc voilà. Concrètement, ça veut dire quoi ? Bah, concrètement, ça veut dire que c'est des femmes qui ont beaucoup moins de travail. Alors on pourrait se dire, bon, bah, la loi, elle a marché, parce que c'était l'idée que les femmes, elles aient plus... Bah, elles n'avaient plus de clients, donc du coup elles changent d'activité. Sauf que la contrepartie proposée par la loi était ce qu'ils appellent dans cette loi le volet social, d'accompagner des femmes dans la reconversion professionnelle, qu'ils appellent pas reconversion d'ailleurs, mais qu'ils appellent réinsertion professionnelle, et en donnant la possibilité d'avoir des papiers. Sauf que clairement l'accompagnement financier n'est pas à la hauteur. Enfin, c'est voilà, des femmes qui ont besoin de payer un loyer, qui ont besoin d'envoyer de l'argent à leur famille, et qui, en plus, ne parlent pas bien la langue. Donc, du coup... et en plus, il n'y a pas encore d'organisme agréé pour faire de la reconversion professionnelle. Donc, finalement, pour l'instant, il y a une espèce de blanc sur ce volet-là. Tout ce qui a été effectué concrètement dans la loi, c'est le volet répressif, qui est la pénalisation des clients.